C'est Rambobine. Nous sommes lundi 1er avril 2019. Vous êtes sur la radio La Locale et vous écoutez Rambobine. Bonjour. Pour commencer, on va rembobiner très très loin en arrière, tout au bout de la cassette. Voilà, on est au 19e siècle et à cette époque-là, on écoute des programmes sonores au téléphone. Oui, oui, 10 ans juste après l'invention du téléphone, donc en 1881, Clément Ader, un Français, propose une retransmission en direct de pièces de théâtre ou d'opéra. 2002. Arte Radio crée le premier site internet de podcast. 2016. Beaucoup se mettent à diffuser du son en ligne. Et ce soir, on va écouter la cassette, la peau au podcast. En tout cas, on va tenter de décortiquer, dépecer ces histoires sonores qui ont pu être définies de différentes manières selon les époques. On a pu appeler ça série en images, comédie audio, enquête sonore et le fameux mot podcast. Mais pour commencer, revenons à ma Madeleine de Proust, la cassette. J'ai déjà dit que l'enregistrement de cassette était un de mes loisirs préférés quand j'étais gamine. J'avais aussi un micro et j'enregistrais ma voix, me prenant pour une présentatrice radio. Malheureusement, j'en ai gardé aucune, mais d'autres les ont conservées et en ont fait des podcasts. Il y a notamment Charlotte Bien-Aimée avec La Reine du Podcast. La cassette est bel et bien une des ancêtres du podcast puisqu'il s'agissait d'autoproduction et d'autodiffusion. Alors, je tourne autour de la bobine, vous me direz. Donc, on va tirer le fil pour bien comprendre ce qui se cache derrière le mot podcast qu'on entend à tout bout de champ. Déjà, le mot podcast vient de iPod. Donc, l'iPod, c'est un engin qui offre... une écoute numérique qu'on peut pratiquer en solo, avec des écouteurs, un casque, n'importe où et n'importe quand. Et puis cast, de podcast, ça vient de broadcast. Et broadcast, c'est la diffusion centralisée de son par un média de masse. Donc du coup, le podcast, c'est un peu pour contrer le broadcast. Bref, pour faire hyper simple, le podcast, c'est le fait de pouvoir télécharger gratuitement des créations sonores, des émissions sur Internet. Les podcasts sont souvent faits de manière indépendante et par des amateurs. Et on pourrait ajouter aussi un côté intime à l'histoire, c'est-à-dire qu'on se reconnaît dans ce qui est raconté, soit parce qu'on pourrait être à la place des protagonistes, ou soit parce que le ton employé est familier et on pourrait presque avoir cette discussion entre potes dans un canapé. Mais voilà, le fil s'en mêle déjà parce que les podcasts se font de plus en plus par des professionnels, par exemple. On flatte pas mal leur indépendance vis-à-vis des médias de masse. Et pourtant, ils sont pas mal diffusés par des médias de masse ou utilisent les mêmes espaces de diffusion. On peut citer, par exemple, Arte Radio Blog. C'est un vrai grand grenier à podcasts. Mais Arte Radio Blog provient de la chaîne télé Arte, donc un média de masse. Et SoundCloud est un espace de diffusion de masse où on peut liker, s'abonner à des pages, mettre des petits cœurs, avec une partie gratuite, mais très très courte, puisque c'est 3 heures de où on peut mettre des sons. Voilà. Je vais arrêter mes blablas, mais maintenant on va dérouler un tout petit peu plus le fil en écoutant une émission de 39 minutes qui s'appelle Pim Pam Poum, trouvée sur podcloud.fr. C'est le numéro 16, Podcast Kill the Radio. Et on se retrouve après, toujours sur la locale, 97.3. Bonne écoute. Pim Pam Boum. Un podcast présenté par Herman et Arthur, un podcast qui pratique un rire éthique et éco-responsable. Bonjour Herman. Hey, bonjour Arthur. Te revoilà. Ça fait un bail, c'est vrai. C'est vrai que t'étais en vacances. J'étais en vadrouille. Ouais, en vadrouille. T'as pas mal de RTT et de congés payés cette année. Hein. J'ai bien posé et, ouais. Et j'ai essayé de monter cette structure à l'étranger, hein, de Pim Pam Poum. Voilà, ouais. Donc on a un garage aux États-Unis, d'accord. C'est la première brique de cette ascension internationale. Je crois qu'on a déjà plusieurs sponsors. Oui, le problème, c'est qu'on n'a pas de contenu encore. C'est qu'on ne connaît pas leur nom. Du coup, ils nous ont dit, on va vous sponsoriser, mais voilà. C'est des mails anonymes, des sponsors anonymes. Non, c'est des espèces de petits fascicules mis dans la boîte aux lettres. On a loué une boîte aux lettres là-bas. Oui. Et c'est mis dedans, et ça m'adresse plusieurs messages. J'ai pas compris, ils essayent de me vendre quelque chose, mais je pense qu'il y a ils essayent de m'accrocher dans le commerce aussi. Dire qu'il y a un échange à avoir, plein de produits divers et variés. Ouais, c'est des revues publicitaires, finalement. Je suis content de revenir, quand même. Est-ce que j'ai eu des petits messages en mon absence? Je sais pas, je vois un truc qui... Ça clignote, là. C'est rouge, là. Oui, ça... depuis ce matin, là, tu es arrivé. Ça clignote rouge. C'est une diode électroluminescente, en fait, hein, qui clignote rouge depuis ce matin. Ouais, d'accord. Tu sais très bien ce que c'est. J'ai l'impression que tu reportes, là. Non, mais quand c'est rouge, c'est que c'est pas terrible le rouge. Bah, tu sais très bien d'où ça vient. Ça vient de la direction générale. Oui, ah oui, bien sûr. Alors, voilà. Ah oui, ouais. C'est un message, pardon. J'ai vu parce que tout à l'heure, tu m'as dit est-ce qu'on descendrait pas au RIE alors que ça clignotait rouge? J'ai l'impression que tu es dans l'évitement. Là, c'est pas bon ça. C'est sur ma boîte vocale, donc on écoute parce que je vais écouter ce message. Je pense que vu que c'est rouge, ça va être important. Ah oui, moi je te recommande plutôt d'écouter le message de la direction générale, oui. Donc, on écoute. Bon, Herman, je ne sais pas ce que vous trafiquez encore avec Arthur, mais il va falloir s'activer un peu maintenant. Vos histoires de post-caisse ou quoi ou caisse, ça va deux minutes. Je vous adresse donc cette nouvelle injonction verticale. Je vous ordonne de tuer la radio, pousser la concurrence à l'extrême au point de mettre fin à ce vieux média. Ça fait un an et demi qu'on vous paye à rien faire. Aucun retour sur investissement malgré des disruptions notables. La direction souhaite maintenant des résultats. Ah, et j'attends toujours un résumé précis de votre concept, là. Je vous l'avais demandé pour hier. Au revoir. D'accord, bon bah, tu es la radio, mais ils sont marrants, ça se fait pas comme ça, Dont acte, bah oui. En plus, je reviens de vacances, j'ai le voyage dans les pattes, donc... C'est dommage parce que si t'avais écouté, je me suis pas permis d'ouvrir tes messages, mais si tu l'avais fait ce matin, on aurait déjà eu 4 heures de plus pour tuer la radio. Je crois pas que ce soit nécessaire de reporter la faute, hein, de blâmer les uns les autres. Moi, je reviens de vacances, si le travail avait été fait en mon absence, on n'en serait peut-être pas là. Ça fait plaisir. Mais le fait est, Arthur, on a une injonction verticale, c'est pas, quand même une pas n'importe quoi, une de plus, c'est pas la première, qui est de tuer la radio. Alors, tuer la radio. Petit rapide plan d'action pour tuer la radio. Bah, c'est quand même un gros dossier, hein. C'est un gros média, la radio. C'est un gros dossier, mais il y a 400 feuilles blanches dedans. Donc c'est un gros dossier de par sa volumétrie, mais de par le contenu, il est assez léger. Faut peut-être reprendre les bases, peut-être. La radio, c'est quand même marché un temps, donc peut-être qu'on peut essayer de copier Essayons de copier la radio. Pour Sylvie Vartan, Françoise Hardy en mono, Dieu a inventé la radio. Johnny Hallyday, Dick Rivers, Adamo, Dieu a inventé la radio. Nancy Holloway, Lisa Fluky, Blondo, Dieu a inventé la radio. Pour Michel Polnareff, Dutronc, Gilbert Bécaud. Je pense que pour tuer la radio, il faut en fait copier la radio, tu vois. Reprendre les codes. Les ficelles, mm-hmm. C'est ça. Et la radio, c'est l'émission d'ondes. D'ondes. C'est ça, la radio. L'émission d'ondes. Bah, c'est ça, hein, l'émission d'ondes. Bah, c'est déjà le fait d'émettre des ondes. Oui, c'est vrai. Voilà. On n'engueule pas. Hein. De produire un contenu, ça c'est la radio. Mm-hmm. Mais c'est aussi un objet, la radio. Tu vois, c'est deux choses, la radio. Ah, l'objet. Oui, l'objet. Voilà. Alors que le podcast, de l'autre côté. Le podcast, c'est que le contenu, c'est pas un objet, le podcast. Des ondes aussi. Comment ça? C'est plus compliqué. Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est plus compliqué. Mais en tout cas, le podcast, c'est pas un objet. Alors que la radio, c'est un objet, quoi. Le podcast doit devenir un objet, en fait. Oui, un peu, comme un objet, l'objet podcastique, peut-être. C'est ça. objet podcastique, on peut l'appeler comme ça. Un podcast, un podcastophone. Oui, c'est pas mal. Podcastophone, c'est pas mal. Ouais, mais on va trouver le nom après. Mais ça marche comment, ton truc? C'est un objet, ça marche, ça fonctionne. Comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Ah. En fait, tu as un premier boîtier qui permet de réceptionner une somme d'informations. Soit, en fait, très simplement, le contenu du podcast, et tout ça, via des ondes, provient d'un autre boîtier. T'as deux boîtiers qui interchangent des données informatives, c'est ça? En effet, ouais, c'est ça, c'est ces deux blocs, alors qui ne sont pas nécessairement équidistants, mais qui permettent la réception du podcast. Le podcastophone, si on l'appelle comme ça, mais le nom n'est pas fixe, n'est pas fixé, n'est pas défini. Oui, voilà, le podcastophone, il permettrait de réceptionner les informations du deuxième bloc pour les diffuser finalement sur un troisième bloc. Troisième bloc, ça fait beaucoup de blocs, c'est quoi, des mots du bloc? Ça prend vachement de place, non, comme objet, c'est des... Oui, alors des mots du bloc, bon là aussi, les termes sont pas véritablement définis, mais c'est vrai que ça peut prendre de la place, faut avoir, je pense que c'est 7 mètres carrés dans une habitation, donc c'est vrai que... Ouais. Que là, peut-être le conseil qu'on pourrait donner, c'est d'avoir un logement en province, parce que c'est à Paris, c'est plus compliqué d'avoir cette. Ça a l'air déjà compliqué là. C'est extrêmement simple. D'accord. Ensuite, donc t'as ce premier boîtier, ce deuxième boîtier qui interagit finalement. Oui, avec, qui est l'interagisseur. Le troisième boîtier, boîtier qui lui-même. Toujours le troisième boîtier. Mais oui, le troisième boîtier qui lui-même réagit directement à la voix humaine avec un système de on-off vocal. Un bouton on et off. Ah oui, oui, éteindre, allumer. Voilà, éteindre, allumer. Un bouton éteindre, allumer, c'est ça, exactement, c'est un bouton éteindre, allumer. Ok, ouais. Et une fois l'allumage du troisième bloc opéré, eh bien. Bloc opéré. Donc on l'allume via une commande vocale au troisième bloc. Le troisième bloc envoie alors sur une fréquence qu'on peut estimer à 2,4 GHz. C'est précis, près, c'est précis. Un message ondulaire à destination du deuxième bloc. On revient au deuxième bloc. Oui, exactement. On revient au deuxième bloc et en échange, dans une forme de troc, le deuxième bloc diffuse le programme podcastique. C'est pas clair ton truc. Ça marchera jamais. Si c'est pas clair, ça marchera pas. Mais si, c'est une sorte de borne d'enceinte. C'est pas clair. J'ai noté. Et même dans mes notes, c'est pas clair. Ouais, c'est vrai que c'était plus clair avant. La radio, c'est plus clair. Chacun connaît le principe de l'appareil binoculaire de photo en relief. Une photo prise en double avec cet appareil et regardée à travers une lunette binoculaire restitue l'angle de vision des deux yeux et donne ainsi l'impression du relief. Appliquant ce principe au domaine du son, les techniciens de la radio française ont conçu la tête acoustique à deux oreilles. Un micro tient lieu d'oreille droite et transmet les modulations sonores à l'émetteur de Paris Inter, puis à un récepteur branché sur cette longueur d'onde. La même opération se répète avec le micro de gauche, en relation avec l'émetteur de la chaîne parisienne, capté par un deuxième récepteur. Placés à 2 mètres l'un de l'autre et face aux auditeurs, les deux postes fonctionnant simultanément apporteront chez vous le relief sonore, le son à 3 dimensions. Bon, là, pose ce truc là, Arthur, parce que ça a l'air compliqué. Le podcastron là, le podcast trop fun. Pose ça parce que la radio, c'est avant tout des voix. Tu veux pas nous dire que c'est complètement un objet, hein? C'est pas. Bon, non, c'est autre chose. C'est pas que des cordes vocales, hein, qui s'agitent comme ça, mais. Non, c'est aussi quoi? C'est de l'intelligence, c'est le fil de la pensée, le déroulé dans une discussion, la transmission d'idées, le partage, c'est ça la radio. C'est vrai, c'est un dialogue, c'est un contenu finalement. Ce sont des gens, et des gens inspirants, donc peut-être que si on reproduit ce que la radio faisait en utilisant gens... Tu veux dire la radio. La radio, excuse-moi. Non, puis en plus, dès que je suis sur un continent. Podcastophone, radio, je savais plus. Il y a beaucoup de termes techniques pour les auditeurs, attention, prenez des notes. Non, la radio, c'est des gens, donc on va prendre des gens, je pense, et les faire interagir, et puis qu'il y ait des choses qui en ressortent, des concepts, des projets, des idées, des visions. Bienvenue dans les Sentiers Battus. Le podcast qui s'intéresse aux personnes au parcours typique et complètement dans les normes. Pour cet épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le trop rare Maximilien de Prépuce pour un entretien de 25 minutes. Une discussion super riche durant laquelle j'en ai appris énormément sur moi-même, car c'est le plus important. Je vous laisse donc apprécier tout ça. Mettez 5 étoiles. Alors Maximilien, merci de me recevoir dans ton appartement parisien. Alors là, on est chez toi, dans ton salon, c'est ça, hein? C'est assez marquant d'ailleurs, parce que c'est un peu le résultat de ta réussite, c'est 25 mètres carrés en petite couronne. C'est quand même. Alors là, en fait, on est dans mon salon, salle de bain, cuisine. En fait, j'ai réussi à me débrouiller pour louer cette petite studette sur la capitale, donc une studette assez chère, assez onéreuse. Voilà, je l'ai louée sans aucune raison. Ouais, non, mais c'est comme le fruit de ta réussite, et c'est ça qui est impressionnant, déjà dans l'art de se débrouiller. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais tenter de faire ta présentation. Tu es quelqu'un d'absolument passe-partout, sans aucun intérêt. Corrige-moi si je me trompe d'ailleurs, parce que. Oui, c'est ça. On dit toujours qu'on se définit par rapport à des standards, et bien moi je suis standard. Ouais, c'est une modestie qui est tout à fait à ton honneur et qui te caractérise bien pour les gens qui ne te connaissent pas. Mais tout de même, qu'est-ce qui t'a amené à avoir la vie misérable que tu mènes aujourd'hui? C'est dur d'en faire une synthèse comme ça, ouais. Mais je dirais que c'est un concours de circonstances plutôt en ma défaveur. Okay. Et aussi, en complément, une éducation tout à fait lambda, en fait, hein, qui m'a amené très tôt à intégrer les écoles dans lesquelles je pouvais être sectorisé. Ouais, tu parles d'école et on peut peut-être le rappeler, tu as quand même fait l'ENS. L'ENS, tout à fait, l'école nationale de Sardoudun. Sardoudun, c'est un petit village dans les Hautes-Pyrénées et ça a été une vraie révélation pour moi. Ah, justement, puisqu'on est sur le thème de l'école, on va enchaîner puisque c'est vraiment là que tu t'es construit. Comment on décide d'avoir une carrière comme la tienne avec quelles décisions t'ont amené Non, mais c'est sûr que c'est pas facile au début, mais très tôt, j'ai senti que j'étais fait pour ça. Ah, c'est incroyable ça. Et que si je voulais y arriver, il fallait que je m'en donne les moyens. Et j'ai pour habitude de dire il faut se donner les moyens de ne pas avoir le choix, en fait. Ça, c'est excellent, bien sûr. Oui. Et donc, je suis allé voir une conseillère d'orientation qui a agi comme une forme de mentor pour moi. Ouais, non, mais c'est j'ai essayé de faire exactement la même chose, c'est marrant que t'en parles. Donc, c'est cette rencontre avec la conseillère d'orientation. Avec cette conseillère, Nadine Mermi. Ouais, comme quoi les gens comme ça, il suffit de rencontrer quelqu'un. Ça a été déterminant dans ton parcours des plus communs. Hein, je pense qu'on. Oui. Cette rencontre qui t'a. Il y a pas de photo. Pas de photo de Nadine. Non, pas de photo de Nadine. T'en as pas sur mais toi. Mais dès que j'ai rencontré cette personne, j'ai tout de suite su que je ne saurais pas quoi faire de ma vie. Et c'est vraiment ce qui m'a amené ensuite à faire un parcours universitaire dans une université. Ouais, un choix pas ambitieux du tout, mais on va en parler puisque il y en a beaucoup qui choisissent qui choisissent de payer une école de commerce alors que toi non, tu te dirigeais vraiment frontalement vers la fac. Et, la fac, je me suis dit j'étais très attaché déjà au savoir-faire local. Ah, ça, c'est des valeurs, c'est vraiment une valeur. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et moi, mon université de secteur, ça me paraissait vraiment être en fait une forme de voie royale pour pas faire grand-chose de très excitant ensuite. Ouais. Et je dis toujours, c'est quelque chose que j'aime bien dire à mes amis, va là où tu te sens d'aller, tu vois. Va là, ouais, c'est profond, c'est super. Ouais. Et la prise de risque par rapport à l'université étant assez minime, ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as appris à l'université? Quelles sont les choses qui t'ont vraiment marqué durant ce cursus des plus communs? Je crois que ce qui m'a marqué, c'est vraiment la bibliothèque universitaire. Ouais, fait de se lever le matin à 9h. Parce que de souvent, s'asseoir comme ça devant une table. Voilà, s'asseoir devant une table. Souvent, on se levait à 9h, je me souviens. Ouais, à 9h, mais... Assez marrant, mais on se levait à 9h pour aller en cours à 10h. C'est c'est bien parce que prévoir un petit temps comme ça de réveil, de latence, De latence pour se rendre à un endroit où on doit être à 7h. J'imagine qu'en plus c'était un petit peu l'heure était un peu décidée par l'administration. Mais complètement. Donc, en fait, c'est ça qui était délirant, c'est que en fait on avait un emploi du temps et chaque semaine on devait y coller. Ouais, donc t'as raison. Donc va là où tu te sens d'aller. Hein, c'est ça que tu disais. Donc c'est vraiment. C'est vraiment du bon sens quand t'en parles comme ça, mais c'est loin d'être évident. Et j'imagine que pour en arriver là, t'as dû bénéficier vraiment d'aucune aide, quelle qu'elle soit, Oui, moi je suis vraiment, j'appartiens à ces gens qui se font tout seuls, après la fac. Le self-made man. Je suis de cette trempe-là. Donc après la fac, en fait, j'ai un peu bullé tout l'été, Car cette année-là, je me souviens, c'était un bel été. Ça, c'est incroyable, parce que tu peux nous en parler de cet été-là. Oui. Et tu faisais quoi de beau, finalement? Qu'est-ce que tu faisais pour développer cette envie de rien faire? C'était un été assez étonnant, où en fait, on était, je sais plus, en mois de juillet-août, et il faisait quoi, je sais pas, entre 25 et 30 degrés. Ah, c'est bien, donc, sympa, c'est un bel été quand même. C'est un bel été, et donc, avec mes amis, à l'époque, on s'est dit, si on allait au parc. Et on a passé du temps au parc. Mais ça, c'est incroyable, tu vois. Tu parles de ça. Ouais, tu parles d'avoir cette idée-là, à cet instant-là, en plein été, de sortir dans un parc. Il y a plein de gens qui auraient fait des stages, qui auraient travaillé dans des structures, dans des entreprises pour se former. Et toi, tu as décidé de. Moi, j'ai fait un choix. J'ai dit, je remets ma recherche d'emploi à la rentrée. Enfin, autant profiter des parcs et de ses amis. Je dis toujours, construis-toi toi-même, sauf si quelqu'un peut le faire à ta place, gratuitement, sans que tu le demandes. Voilà, c'est vraiment. Je le note parce que ça, c'est incroyable. J'ai jamais, je me suis jamais vraiment dit, et pourtant, je pense comme toi, je suis aussi intelligent que toi, je pense. C'est une phrase facile à retenir. Construis-toi toi-même, sauf si quelqu'un peut le faire à ta place, gratuitement, sans que tu le demandes. Toi-même. Non, mais c'est vraiment. C'est un parcours, c'est un effort en plus qui t'a demandé. C'est un effort raisonnable. J'ai eu besoin d'aucune aide et de toute façon, personne n'a vraiment semblé intéressé à l'époque pour m'aider sur mon projet. Ton projet, parlons-en justement. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un petit mot là-dessus? T'es maintenant sur un projet de recherche, c'est ouais, ça ouais, t'es, ouais, t'es de la vraiment, recherche. Recherche, donc je suis chercheur maintenant. Chercheur, on peut le dire. Ouais, c'est ton statut. Recherche fondamentale en fait. Je cherche essentiellement. Un travail et aussi en complément un intérêt à ma vie. Je te remercie Maximilien pour toutes ces pensées. Je pense que ça va aider énormément de gens et moi c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, c'est pour rencontrer des gens aussi intéressants que moi. Donc j'espère que ça pourra inspirer des millions de gens. Espérons. Merci à toi. Merci. Voilà, c'était Les Sentiers Battus avec Maximilien de Prépuce. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et retrouvez également mon bouquin aussi et également mon DVD. Il y a aussi des photos de moi dans toutes les. Voilà, plein de choses sur ce que je fais et mettez-moi plein d'étoiles, sucez-moi la bite. Et voilà, c'est le genre de format, Herman, qui pourrait tu vois, faire en sorte que le podcast tue la radio. C'est punchy. Les gens peu inspirants, les gens s'accrochent bien aussi. C'est punchy, c'est pushy, c'est pouli, tu vois, c'est plein de choses à la fois. Et ça permet de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas souvent. C'est ça qui est important, parce que les gens, ils se disent, quand ils entendent des gens peu inspirants, ils disent, je peux être cette personne. Voilà, je peux être. Il y a un procédé d'identification intéressant. Ils assimilent beaucoup mieux la médiocrité de l'autre pour être eux-mêmes médiocres. C'est ça qui est. Tout le monde est à un niveau d'égalité et de médiocrité similaire. Qui... C'est la force du podcast. C'est comme ça qu'on arrivera à tuer ces professionnels de l'audio. Je vois pas. Voilà, tuons les professionnels. Et merde. Il faut tuer les professionnels. C'est ça qu'a dit la direction. Avec leur émetteur fourmi caché dans des appartements, leurs émissions de courte durée très localisées, les radioécologistes comptent bien déjouer longtemps les services de détection du ministère de l'Intérieur et des PTT. Fort gênés, dit-on, par toute cette histoire. Vous a-t-on demandé d'être particulièrement vigilant en ce moment? Je ne peux pas répondre particulièrement à cette question. La solution la plus simple consiste à acheter dans le commerce un émetteur modulation de fréquence, auquel on rajoute un ampli qui vous permet de couvrir tout Paris en émission sans aucun problème. Faire parler, faire participer, rompre l'isolement dans les villes. À Paris, dans chaque quartier, des groupes écologistes se sont créés. Ils veulent constituer une hydre à 1000 têtes, apparaissant tantôt là, tantôt ailleurs. Je pense que ça va changer, ce ne sera pas toujours les mêmes qui vont parler des mêmes, et puis je vais peut-être enfin savoir ce qui se passe dans cette ville, réellement. Je ne vois pas au point une radio de quartier peut apporter quoi que ce soit à quelqu'un qui habite Perpignan, rien. Ça n'importe où, j'en ai le quartier, dans le quartier on sait comment il vit. Moi je n'ai pas besoin de radio dans ma rue, j'ai qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique, ça. Bon. À la force de vouloir de. Alors tout le monde va parler. Or malheureusement, parler c'est un art. Ça reclignote. Ça reclignote. Oui. Mais c'est encore rouge en plus. Tu vas pas. Tu vas pas. C'est encore la diode électroluminescente. Non, moi, c'est trop de pression. Mais renonce pas. Je peux pas. Mais non, mais tu peux pas renoncer comme mais ça. Si, je te sens, si. Je te sens patraque. Qu'est-ce qui se... Bah oui, attends, mais parce tu reviens de vacances, Herman. Ah oui, mais là, ça me tombe dessus. Ça nous tombe dessus. Là, on doit réaliser l'irréalisable. On voit pas. Mais c'est pas. Moi, réaliser... j'en ai marre. Non, puis plus, mais c'est pas réaliser l'irréalisable. Pourquoi tu... Mais c'est non, compliqué mais... en ce moment. On n'arrive à rien. On n'arrive même pas à être au niveau de la radio. Voilà, on est le post, le pauvre podcast. Bah un podcast, c'est pas mal déjà de faire un podcast. Non, mais c'est... oui, mais bon, voilà, tu vois. On n'est pas les seuls. On a une chance incroyable. On travaille dans une multinationale. On est dans le département des créations sonores et on fait un podcast. C'est déjà ouais, bien. Ouais, mais on gagne pas notre vie avec ça. Regarde, toute l'année dernière. Ah, la vague 2017 des nouveaux podcasts. Il y en a pour tout et n'importe quoi. Ça devient. Il y a les interviews, il y a la bouffe, les chansons YouTube. Il y a le Moyen-Âge, Arthur. Ah oui, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Ah oui, qu'est-ce qu'on fout là? Non, mais non, on, mais je, on je essaye pas, de, moi, je... de créer. Oh, c'est, je te sens pas trash, je te sens lassé là. Ah oui. Bah voilà, petite déprime, voilà, qui arrive comme ça, sans coup fait rire. En plus, maintenant, il y a des gens qui se mettent comme ça, comme nous là. Oui. Ils parlent de tout, de rien. Voilà, c'est le concept. Ah oui, bah c'est le concept du siècle. Écoute, c'est bien. Il y en a des très bons. Il y en a des très bons. C'est ça qui est pire dans tout ça. C'est qu'il y a des gens que j'écoute. Je me dis, oh là là, c'est bien, ça me déprime. Oui. Des gens que j'écoute, je me dis, oh là, c'est nul. Ça me déprime. Est-ce que tu nous ferais pas une Henri Michelite aiguë, là? Je sais pas, oui. Écoute, t'es dans le podcast game, c'est bien. J'ai du mal à mettre des mots dedans, sur... Alors, il y a des vagues, il y a des mouvements, il y a des thématiques, il y en a pas. Bon, écoute, tu peux pas être triste. Mais je pop plus comme avant. Avant, je popais, avant, je saturais, maintenant, je... Tout est normalisé là, tout est un peu aseptisé comme ça, il y a plus de saturation. Avant voilà, ça montait, maintenant c'est c'était un niveau. Ça, c'est vrai, on est passé un peu professionnel. C'est vrai, il y a moins l'émulation de l'amateur du début, mais c'est pas mal aussi d'être institutionnel. Ouais, t'as peut-être raison. Peu, ouais. Moi, je me rassure parce qu'on n'est pas trop dans la régularité. Ça me rassure. Voilà, me dis, bah, voilà, tu vois, je... on sait encore ouais, faire c'est... preuve d'innovation. On est irrégulier. Oui, peut-être. Ouais, non, mais bon, écoute, il faut. C'est pas ça. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? 7h15. Ah oui, non, mais là, t'as quelque chose écoute, après. T'es un petit coup au moral, moi, il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut quand même que j'avance sur mon taf. Donc, non, mais là, le mieux, c'est que la diode, là, électroluminescente, oui, qui clignote. Ça continue à clignoter, ça continue. Bah, tu prends ça, là, tu gères ça ce message, et puis écoute, on ira se prendre une bière la semaine prochaine si j'ai le temps. Mais merci quand même. Ouais, bah ouais. Non, mais il faut avancer un moment. Ce ne sera rien, rien que des mots. Ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Écoute, Herman, j'ai l'impression que, bon... On rame. Ouais, les messages s'accumulent sur nos téléphones. Ça clignote de partout. Et on n'avance pas des masses. Non, l'objet non. connecté, c'est une fausse bonne idée. C'est non, c'était bien parti, mais non. Ouais, le contenu disruptif, le nouveau format. Bon, ok, c'est intéressant, mais c'est. Ouais, puis voilà, reprendre la radio pour. Non, finalement. La radio, déjà, on dit. Ready, bon, ouais. Non, il va falloir, à mon avis. Oui. Tu vois ce qui serait bien. Exactement. Je suis d'accord avec toi déjà avant même que tu n'aies parlé. Je sens qu'on converge. Bien sûr. C'est d'aller voir un banc d'experts, essayer de recueillir leurs impressions, ouais. Et à partir de là, développer des kickwins, des task force, tu vois, et vraiment essayer d'impressionner la direction, mais avec comme ça une forme d'expertise qu'on aurait recueilli, tu vois. Donc des pros du podcast. Oui, on peut aller voir les pros du podcast pour leur demander comment leur avis, quelle est la stratégie à suivre pour détruire la. Mais oui, mais on est bête, ils doivent avoir des idées, c'est des pros. Il y a des pros qui ont des idées. Alors merci Raël Jones bonjour. De me recevoir parce que bon, je vous avoue qu'on galère pas mal à comprendre comment on pourrait on fait du podcast comme vous. Important, intéressant. Et vous êtes quand même un gros réseau, label, maison disque. Je suis à la tête d'un label qui réunit aujourd'hui 400 podcasts. C'est quand 400, même conséquent. Ouais, c'est 400, le plus 400. Grand réseau de podcasts de France. Mais c'est un réseau qui est amené à se développer de plus en plus dans les prochaines années. Là, vous êtes lancé. Là, vous êtes, Raël, on y va. Moi, mon objectif, il est clair. Je prends des notes parce que je veux pas. Pardon. C'est de détruire la radio. Détruire la radio parce que la radio est complètement archétypée. Elle est complètement positionnée sur un ancien monde. Mais et moi, j'ai envie de. Comment vous faites pour proposer autre chose? C'est quoi votre plan technique? Le plan technique. Alors, je sais pas si je développe la technique. Mais le cadre logique, quoi. Le cadre logique, c'est d'aller vers le nouveau monde, d'aller petit à petit, en franchissant des étapes, step by step, une forme de marche à pied, d'escalier, une rando, de peut-être franchir les marches pour arriver sur un programme proposé à des gens qui les écoutent. D'accord. Donc, c'est quoi la journée peut-être d'un podcaster, à terme. Vous avez plein de 400 programmes, vous avez quand même 400 programmes, c'est énorme. Le but, c'est à un moment de les réduire, d'arriver sur quelque chose de plus concentré, de compacté, plus pertinent, ouais. compacté sur peut-être, pourquoi pas, une journée. Ah d'accord, une journée, donc comme ça, une journée, ok. Alors une journée qui commencerait le matin, terminerait le soir, et tout au long de la journée proposer à nos auditeurs, qui je le rappelle sont de plus en plus nombreux, leur proposer, pas chez Pim Pam Poum, mais dans d'autres podcasts qui sont dans mon label, qui sont de plus en plus nombreux, et de proposer dans la journée des programmes adaptés aux horaires pour des auditeurs qui évolueraient au fur et à mesure de la journée. D'accord, et donc on retrouve ça sur des applications ou comment on écoute ça vraiment c'est... Actuellement. Qui s'enchaîne comme ça Je comprends le sens de votre question. Merci. Actuellement, on est sur du différé, sur quelque chose un peu à la demande. Et le but, c'est de faire découvrir des programmes en les imposant un petit peu aux auditeurs. Ah oui. Et en fait, en faisant de plus en plus arrêter un petit peu la partie différé pour aller vers plus en plus de live. Des rendez-vous. Vous avez donné rendez-vous. Des rendez-vous avec les auditeurs qui sont plutôt des rendez-vous live. D'accord. D'accord. Alors, c'est très complet. Je vous remercie, Raël. Vous n'avez pas fait complètement le tour du sujet, si je puis me permettre, puisque... Bah je suis nul en podcast, c'est pour ça. Vous n'avez pas l'air de connaître complètement le sujet. Je suis pas un pro, non. Le live, en fait, je veux le proposer... Il y a pas longtemps. Je veux le proposer un petit peu tout au long de la journée par tranche horaire. Donc on commence le matin, j'imagine. Voilà, on commence le matin. Comme ça... L'idée, le matin, c'est... On a remarqué, grâce aux statistiques, que nos auditeurs écoutent... Ceux qui écoutent les programmes le matin... C'est plutôt des gens qui sont intéressés par l'actualité. Donc on ferait des directs sur l'actualité. Ça, c'est très original. C'est un nouvel angle qu'on essaye d'avoir avec mon label, pour lesquels les auditeurs sont de plus en plus nombreux. Ça va se tenir informé dès le matin, quoi. C'est ça l'idée. Voilà. C'est dès le matin, on essaye d'informer en live les gens de manière complètement disruptive pour rompre avec l'ancien monde. Tout le monde ne se lève pas à la même heure, donc vous répéterez peut-être ce genre d'informations sur une tranche horaire un peu. L'idée, c'est d'avoir quand même une viabilité économique dans ce nouveau modèle que nous souhaitons installer. Des chiffres. D'avoir des chiffres plutôt solides et donc, en effet, peut-être répéter les informations le matin sur la tranche horaire du matin live. Et après, vous déclinez peut-être une fois que la journée se dilue, comme ça le temps se dilue à 11 dans heures. La journée. Vous 11 heures. On a remarqué grâce à nos statistiques sur les podcasts que les gens aiment plutôt se divertir. Donc à 11 heures, un jeu par un animateur. Un ambianceur. Plutôt cocasse, rigolo. Hein, c'est ça, c'est l'heure du divertissement. Et on repasse ensuite à midi. D'accord, et ainsi de suite sur un flot de journées comme sur ça. Sur un flot de programmes adaptés à nos auditeurs. Eh bien écoutez, c'est très limpide, Raël. Et c'est comme ça qu'on parviendra à détruire la radio. Ah mais c'est la voix de la raison. En même temps, on n'y avait pas pensé. Je vais ramener ça à Arthur parce que je pense que lui-même n'y a pas réfléchi. Écoutez, si mon label peut être inspirant pour les petits podcasts... Merci en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes de lucidité dans le monde du podcast qui va tuer la radio. Ce n'est qu'une voix et de la musique. Je veux savoir si ça sera une radio écologiste ou on ne sera pas noyé de réclames et de lessive qui, elle, pollue. Cela a pourtant envahi l'Angleterre. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'une dérogation au monopole permette au groupe Amaury, à M. Blochten-Blanchet, à tous ceux qui tapis dans l'ombre, n'attendent que ça pour se dire ça va nous permettre d'augmenter à la fois nos bénéfices et également nos moyens de puissance. Cela s'infiltre dans tous les foyers anglais. La vraie solution, c'est un grand débat national sur la démocratie des ondes et des images dans le cadre du service public et d'une manière adjacente, la démocratie, de l'utilisation des nouvelles techniques et partout avec une dominante, le pluralisme. Il faut dire que cela bénéficie de la complicité agissante d'une population de 5 à 18 ans qui sait avoir le dernier mot. Cela, c'est Radio Caroline, une radio clandestine qui a 38 millions d'auditeurs. Alors le pluralisme, d'accord, mais est-ce que c'est pas un peu le bordel à un moment donné? Ton interview a permis d'y voir un peu plus clair, mais c'est vrai que ça reste pas tout à fait... Ouais, et puis il faut faire attention, parce que si on casse le monopole et que derrière on nous met de la pub, ouais, non, merci, là, attention, merci bien. Attention au danger de la pub. Hein. On a donné. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment quelqu'un qui se positionne vraiment... contre la radio, en tout cas qui voit la différence notable les podcasts. Voilà, plus que d'essayer de vaincre la radio, il faut peut-être, t'as raison, Herman, peut-être essayer de souligner la spécificité. Ce qui fait que le podcast est spécifique par rapport à la radio. Exactement. Qu'est-ce qui rend le podcast unique? Qu'est-ce qui rend la radio unique? Quelles sont les différences? Le jeu des 7 erreurs, finalement. Voilà. Et en soulignant comme ça la spécificité. Putain, merde. On va demander à un spécialiste de nous faire ça. Ouais, on va demander, je vais aller interroger. Voilà. C'est à mon tour. Et n'emploie pas le mot spécificité. Non, je vais essayer de ne pas dire spécificité. Merci. Bonjour ADSL Gazelle. Dans le cadre d'une prospective en fait, pour la Pim Pam Poum Company, on aimerait en fait recueillir un petit peu votre avis, vos pistes pour faire en sorte qu'est-ce qui fait en fait la spécificité du podcast par rapport à la radio. Oui, alors c'est un sujet complexe. Je vous remercie de m'avoir invité. Bah, de rien. Je répondrai d'abord en deux points. En deux points, oui. Premièrement, il faut savoir que le podcast... C'est un peu la liberté. C'est la liberté. Les podcasteurs, ils sont libres dans leur tête. Ils sont libres dans leurs actes. À la radio, ils sont pas libres. Ils sont libres, ils sont totalement libres. Les podcasteurs, c'est des révolutionnaires. Ah bon ? Au lieu d'un pavé dans la main, ils ont un micro. Parce que le podcast, c'est un peu la révolution. Personne s'en rend compte maintenant. C'est un peu la révolution, mais c'est mai 68. C'est le nouveau mai 68 de l'audio. Non, mais je tiens à le dire, c'est important parce que beaucoup de gens sont un peu offusqués par ça. Oui, non, mais c'est vrai que ça... Donc voilà, et deuxième point de mon argumentaire, c'est que la radio. Franchement, c'est des fachos. C'est des fachos, ça rime. D'ailleurs, ça rime. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ça rime. Oui. Donc voilà, c'est des fachos. Et donc, les podcasts, ils ont leur micro à la main. Ils sont capables de tout. Ils ont la liberté de ton. Ils sont pas cantonnés à de la politique, de la pub, partout. Alors que la radio, ils sont dans un vieux monde. Ouais, ils sont vraiment différents. Ils sont ordonnés pour faire du chiffre, pour vendre de la lessive. De la lessive, vraiment, parce que ça peut choquer certaines personnes, mais je le dis, voilà. Donc voilà. Donc, par exemple, j'ai un exemple, je termine avec ce troisième point. Il y en avait deux. On nous vend, j'en ai rajouté un autre parce que ça englobe les deux premiers. Donc on nous vend la radio, comme une poule, alors que le podcast, c'est plutôt comme une girafe. Et donc du coup, quand on donne les graines, on peut pas nous dire que la radio c'est une poule, parce que quand on donne des graines, bah en fait, c'est des bananes qu'il faut. Parce que la radio, c'est un singe qui mange la banane, alors que la girafe ne mange pas la banane. Vous voyez, c'est là où je veux en venir depuis le début. C'est aussi limpide que ça. Je pense que si chacun fait l'effort de compréhension là-dedans, comme j'ai pu le faire et comme j'ai réussi à le faire en quelques minutes, normalement, les gens arriveront à voir la différence entre le podcast et la radio. C'est assez clair sur la banane, tout du moins, c'est assez clair sur la banane. Et ADSL Gazelle, on sent un véritable enthousiasme pour le podcast. Qu'est-ce qui crée cet engouement? L'engouement, le podcast, c'est la communauté. La communauté, c'est quoi? La communauté, déjà, premièrement, c'est gratos, la communauté. Peu importe ce que tout le monde pense, la communauté, c'est gratos, ça coûte pas cher. La radio, ils dépensent des milliers de cents pour la publicité, pour agréger des ventes. Sauf que notre label, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun. C'est une GAEC, c'est une simple GAEC. Et nous, tous les étés, on va faire l'effort d'organiser des ZAD. Donc on va priver notre communauté d'accès à la technologie. Donc voilà, on crée une ZAD. C'est quoi une ZAD? Par exemple, prenez Paris. On est dans Paris. Oui. Et on va dans un parc. On va là où il y a de la verdure. On met Mulhouse dedans, dans le parc. Dans le parc. Voilà. Et du coup, les gens qui sont à Mulhouse, dans Paris, dans le parc, ils se pensent à Strasbourg. Et c'est ça la force. C'est ça la force de la ZAD, de la création de la communauté concrète. Voilà. Et donc, voilà, forcément, au bout de 72 heures, bah, les gens savent plus où ils sont. Ils pensent qu'à nous. Ils pensent qu'à nous. Et c'est, la communauté se crée comme ça. Alors que la radio, elle pourra jamais le faire. C'est pas faux, Adès Algaz, ce que vous dites. Hein, je m'empresse de rapporter ces éléments à ma société mère, et puis j'espère vous croiser. Je vous remercie. C'est des petits tips comme ça qui, franchement, sont peut-être durs à assimiler pour le commun des mortels, mais qui sont très utiles. Ouais, au podcast. Ouais, je rappelle votre podcast Peugeot 404. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. À part ça, quoi de sans sas ? À part ça, quoi de sans sas ? Eh bien, écoutez... Oula, oula, ça sonne. Ça sonne. Arthur ? Arthur, c'est... Oh, putain, il est... Putain, il s'est barré. Alors... Allô ? Allô ? Oui, bon, oui, bonjour, madame la directrice. Voilà, je vous ai pas reconnu. Mais oui, c'était... Oui, non, c'était rouge. Ça va ? Ça va, je suis bien revenu de vacances. Là, bah, ça m'a permis de voir un petit peu de... Ah, vous en foutez. D'accord. Oui, on a bien eu votre message. Oui. Écoutez, ça y est, on a plutôt bien bossé. Voilà, avec Arthur, on a répondu à cette injonction verticale. Donc voilà. Pardon. Vous voulez essayer? Essayez que vous voulez que je vous montre la radio? Bah, je peux pas vous montrer la radio parce que. Que je vous fasse écouter. Ok, écoutez, d'accord. Je vais vous faire écouter pour montrer qu'on a bien tué la radio. Bah, écoutez, alors j'ai le transistor juste à côté de moi. Alors, vous êtes encore là. Vous êtes encore là. Alors, ne quittez pas. Voilà, j'allume le transistor. Hein. Vous êtes bien sur Pimpampoum FM, il est 6h34. Pimpampoum FM, la radio qui pratique un rire éthique et éco-responsable. Dès cet été, sur Pimpampoum FM, retrouvez Herman, Tonio et Arthur dans un nouveau format hebdomadaire, durant lequel ce trio vous parlera des petites choses de l'été. Le tout, les pieds dans l'eau, au bord de la piscine. Et ça continue sur Pimpampoum FM et on reçoit au bout du fil Maryse. Maryse qui va nous parler des mécanismes de vieillissement de l'uranium dans des dépôts sédimentaires lacustres. Oui, une question. J'ai deux amis qui sont aussi mes C'est toujours rembobine, même si on était à l'écoute de Pim Pam Poum à l'instant, et nous sommes en direct et retransmis grâce à la bande FM. On le dit jamais assez, merci la bande FM. Maintenant, on va écouter une de mes créations qui s'appelle « Comme un goût sucré-salé sur les lèvres ». Ça dure 3 minutes 38 et j'espère que ce sera un peu plus intéressant que ce que raconte Maximilien. Salut, ça y est, c'est l'été. C'est l'heure des vacances. Et là, je suis dans la ville qu'on a découverte ensemble au printemps. Tu te souviens ? J'y suis retournée. Et pas qu'une seule fois. J'ai arpenté les rues. Je m'y suis perdue. Je m'y suis retrouvée aussi. Rue du Loisir, emprunter les escaliers des cigales. S'avancer vers la rue de la Paix à la croisée de la rue des Tyrans. Rue Poix de la Farine, avenue Clairmatin, rue des Crottes. Traverser la plaine. Je déambule de rue en travers, d'allée en boulevard. J'avance sur le chemin du sablier. Le temps est comme suspendu. Je lâche prise, légère comme le vent. Juste profiter de l'instant. Boulevard des vagues. Elle me bouscule. Ou c'est peut-être lui qui me fait chavirer. Celui qui dort tout contre moi. Je crois que c'est le moment pour moi d'emprunter la rue Venture. Celle avec un grand A. Après tout, l'été s'est fait pour ça aussi. C'est rue Vallon des Offes. Et pas loin, il y a la rue Va à la Calanque. Waouh, mais c'est trop beau! Ça pue l'amour de vacances, cet endroit. Ok, bah je m'y engouffre. La mer caresse mon corps. Chuchote quelque douceur. Et puis, un courant froid me glace le sang. L'impasse de nouveau pour l'Aquarius, le navire de SOS Méditerranée avec à son bord 141 personnes, ne sait toujours pas où accoster. Et comme avant l'été, aucun pays ne veut prendre la responsabilité. On raconte qu'il lui a fallu 40 ans pour se remplir, pour devenir cette immense étendue bleue. Eh bien, moi, je me demande combien de temps encore faudra-t-il pour cesser tous ces naufrages. J'erre dans la rue des Abandonnés. Moi qui suis bien née, du bon côté de cette mer Méditerranée. Je reviens à terre, rue Terrus. Ce sera un thé kurde, s'il vous plaît, avec un sucre pour moi et deux pour lui. Non loin, il y a la rue des Amoureux. J'hésite. J'y vais. Et toi, copine, raconte-moi ton été. Vous êtes toujours sur la locale 97.3 à Saint-Giron et nous allons maintenant tenter de lier deux fils. D'un côté le podcast et de l'autre la radio. Mais en attendant, on va faire une pause musicale avec Awazekte, un chant révolutionnaire kurde, ici chanté par un groupe de jeunes filles. Ey basanin zulilibin Vous êtes bien sur La Locale 97.3 à Saint-Giron. La Locale, c'est une radio associative libre. Dans les textes, on dit que c'est un service radiophonique associatif de catégorie A, accomplissant une mission de communication sociale de proximité, sans ressources commerciales provenant de la publicité ou de parrainage. La Locale touche qu'une seule subvention de 30 000 euros à peu près par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, pour payer le loyer, renouveler le matériel son, rémunérer un salarié en contrat précaire. Du coup, vos dons et adhésions sont les bienvenus. Dans les studios, il y a des ordis, des tables de mixage, des micros avec des bonnettes de couleurs différentes, des câbles. Pour être à l'antenne, c'est assez facile une fois qu'on te montre sur quel bouton ne pas appuyer pour y être. Pour balancer des trucs pour que cela soit transmis plus tard, c'est un peu plus complexe. Sur les ondes, aucune pub, et ça, ça fait du bien. Lors de mes navigations sur la grande toile pour préparer cette émission un peu spéciale podcast, j'ai pu lire, on ouvre les guillemets, « Le podcast est aux médias d'aujourd'hui ce que la radio libre était à la radio d'État dans les années 80 ». On ferme les guillemets. Moi, ce que je vois, c'est un État qui tue les radios libres à coups de contrôle, d'injonctions, de grilles de programmes impeccables. Je vois un monde capitaliste qui tue le collectif. Et avec ces nouvelles formes sonores, j'ai un peu une impression de plus d'individualité. J'y vois du marketing, il faut plaire. Mais moi, j'aimerais pas me passer d'un collectif. J'aimerais pas entendre le même discours dominant qu'on nous assène partout sur ma radio associative. J'aimerais pas ne plus pouvoir imaginer des gens clopes au bec, poussillonnant dans les micros des phrases qu'ils ne finissent pas. J'aimerais pas ne plus voir de fils qui vont dans tous les sens sans comprendre où est-ce qu'ils vont réellement. Des tasses de café dans l'évier. Bon, c'est un petit peu caricatural tout ce que je dis, mais c'est cette ambiance des radios libres que je ne veux pas voir disparaître sous la pile de podcasts. Mais bon. Rassurons-nous, rien n'est cloisonné. Ça fait un moment que les productrices et producteurs de formes nouvelles sonores existent dans les radios libres. H1000, par exemple, qu'on diffuse sur les ondes de La Locale, eh bien, H1000 a tout l'air d'un podcast et il est diffusé sur un bon nombre de radios associatives. Alors oui, il y en a d'autres qui poussent les boutons pour être à l'antenne ou qui sont derrière l'étape de mixage, d'autres encore qui font ce fameux dossier de subvention qui amène pile poil assez d'argent pour survivre, et d'autres encore qui accueillent une personne qui veut faire passer un message à l'antenne. Bref, une fois de plus, que vivent les radios libres et que vivent celles et ceux qui les soutiennent. Allez, dans quelques secondes, je vais rendre l'antenne, mais vous pouvez rester à l'écoute du 97.3. Et chaque lundi sur ce créneau, à partir de 18h, vous pouvez retrouver soit Rembobine, soit Rature et Littérature avec Béné. En attendant que le site internet de la radio fonctionne, vous pouvez retrouver toutes les émissions de Rembobine sur archive.org en tapant dans le moteur de recherche Rembobine ou Rembobine La Locale. Et comme c'est un moteur de recherche, il va vous présenter tout ce qu'il a en stock avec le mot rembobine. Donc en fait, vous trouverez rembobine 1, Jeff Clack, rembobine 2, Rosa Parks, enfin voilà, toutes mes émissions, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, il y en a 5 ou 6. Voilà, allez, et bah à dans un mois, on rembobine.